ça ouye. Ou kari présenté. Trop pour moi lady. J'en ou ka dégagé. Ça trop stylé. En rêve éveillé. Moi la kasi wote. Pas douter, nous paix à main sérieuse. Si vous voulez, qu'on les manque. Même si vous vous séchez, nous tripez, bébé. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. C'est qu'on voulait saisir. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Si tu veux de l'amour, j'en ai pour toi, gal. Bande de poésie et de rire sentimental. Mais si tu me veux juste pour me kiffer ce soir, ça ne me dérange pas, faisons du sexe et disons-nous au revoir. Vivons dans un plaisir bien naturel. Devenons complices pour une nuit surnaturelle. Tu veux des frissons, je peux être exceptionnel. Many trip, many doux, many love, many long, many show. Many peut être ton arc-en-ciel. Ton chéri, ton doudou, ta sentinelle. Ta passerelle pour t'emmener dans mon septième ciel. Verso romantique ou verso Julia Chanel. Grandelle, si tu veux être une gazelle, je serai ton lion et ta manque mon dessert. A toi de faire ton choix, paradis et enfer. Si tu ne sais pas lady, laisse-moi faire.